J'ai croisé la placette, ils vont me gâcher la fête. Plus tard sur la placette, à 2,80, je suis en claquette. Je veux pas finir un pote, maman j'en ai dans la tête. Moi j'ai pas pris mon pote, mais je vends mes CD comme des plaquettes. Je me lève sur les nerfs, faut que je fume, hein. Faut rentrer les thunes, mets-moi autotune. Fais péter les tubes et le moteur dans le tunnel. Pas trop à la TV et la daronne. Faut que j'aille la voir plus souvent parce qu'on en a qu'une. Personne qui m'intimide, ne la touche pas parce qu'en claquant des doigts, je me fais 10 000. Sors le sac à Jimmy et je l'ai fait vibrer jusqu'à 20 000. Fidèle au label comme Aldini. Le cœur à côté du mien, il est mini. Tout est fini, je danse sur du Billy Jean. À la base, c'était un contrôle et c'est Billy Jean. Au guichet postiché, ça veut l'infinity. Ça rentre comme des loups sur un Vivacity. C'est pas le cul d'une fille qui a fait la palafre. Je suis dans le SVR, je me balade. Les potos qu'ils se mettent sous salade. Ils rêvent d'un tigre et d'un palace. Palace, pétasse, Dallas, dollar. La mer turquoise, le rêve d'un dollar. Je suis qu'un zonard. Je mange la street, je bouffe pas de homard. Tout peut partir d'une rixe ou d'une histoire de stup. Tu perds des proches du fric et c'est tes amis qu'on tue. J'ai croisé la passade, ils veulent me gâcher la fête. Bleuté sur la A7, à 2,80, j'suis en caquette. J'vais pas finir à pâte, maman j'en ai dans la tête. Moi j'ai pas eu mon bac, mais j'vends mes CD comme des plaquettes. Tu pourrais me faire moi, mais pas ma zik. J'fais que des classiques, c'est automatique. Big up ma clique, on a reçu des pics, nous on parle pas, on applique. Ça rapplique, ça fait cavaler ta clique. Dans ma team, non y'a personne qui a stick. Je suis anti-porte-couille, même les dents peuvent venir des bouillants. Bouillant, bouillant, tu pars en vrille, c'est n'importe quoi, ne fais pas le couillant. Pétaraïs, tu pêches, le shit il est pêche. Fais pas de boulettes dans la dette, j'écoute un bras le siège. Il est 6h du matin, j'écris, j'suis pas sur ma chaîne. J'kippe en bas mes patins, si demain j'ai des pépins. On aime pas ce qui peut bon, hein. On aime pas ce qui peut bon, hein. Et s'il y a embrouille, ça te vaut le cagoulé. Et ça sort le peupon, hein. On peut partir d'une rixe ou d'une histoire de stup. Tu perds des proches du fric et c'est tes amis qu'on tue. J'ai croisé la passade, ils veulent me gâcher la fête. Bleuté sur la A7, à 2,80, j'suis en claquette. J'vais pas finir à pote, maman j'en ai dans la tête. Moi j'ai pas eu mon bac, mais j'vends mes CD comme des plaquettes. J'sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai les nerfs. Chaque fois que je roule, je fais tomber mon tabac. Toujours la même coupe, toujours les mêmes doutes. Au final, j'avais raison, vu ce que ça me coûte. Petit écoute, les gens que t'aimes, c'est souvent ceux qui te dégoûtent. C'est souvent ceux avec qui tu t'es serré les coudes. Tu te dis que c'est pas possible, tu perds des gouttes. Au final, allez tous vous faire foutre. J'suis plutôt galant, j'aime les câlins. J'ai jamais fait le mac, pourquoi tu fais le malin? Ça fait les parrains pour un marron. Ça fait les voyous, après ça mêle les parents. Là, aujourd'hui j'ai trop les nerfs, nerfs. J'suis dans mon élément, man, me faites pas insulter des mères, mères. On peut partir d'une rixe ou d'une histoire de stup. Tu perds des proches du fric et c'est tes amis qu'on tue. J'ai croisé la passade, ils veulent me gâcher la fête. Bleuté sur la A7, à 2,80, j'suis en claquette. J'vais pas finir à pâte, maman j'en ai dans la tête. Moi j'ai pas eu mon bac, mais j'vends mes CD comme des plaquettes. J'ai croisé la passade, ils veulent me gâcher la fête. Bleuté sur la A7, à 2,80, j'suis en claquette. J'vais pas finir à pâte, maman j'en ai dans la tête. Moi j'ai pas eu mon bac, mais j'vends mes CD comme des plaquettes.